La filière. Une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sands a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un officier nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. Otto tombe malade à Rome en 1949, après un déjeuner chez un mystérieux ami, et meurt quelques jours plus tard, le corps entièrement noirci. Afin de savoir s'il a pu être assassiné, Philip Sands a fait appel à John le Carré, qui fut espion à cette époque, pour avoir un tableau plus précis du rapport de force entre les services secrets au début de la guerre froide. Septième épisode, mort au Vatican. En 1976 sont publiées les mémoires posthumes d'Alois Houdal, intitulées « Journaux romains, confession d'un vieil évêque ». Monseigneur Houdal était le protecteur d'Otto Wächter et l'un des principaux organisateurs de la filière d'exfiltration des criminels nazis depuis le Vatican. Parmi ses protégés, il y aurait eu Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Josef Mengele, le médecin tortionnaire d'Auschwitz, et Franz Stangl, qui a dirigé les camps de Sobibor et de Treblinka. Dans ses mémoires, Houdal ne regrette rien. Il défend aussi, jusqu'au bout, l'idée de synthèse entre catholicisme et national-socialisme. Il écrit. En 1949, à l'hôpital Santo Spirito à Rome, le baron von Wächter, vice-gouverneur de Pologne, général de division et lieutenant-colonel de la SS, est mort dans mes bras. Les alliés et les juifs le traquaient, mais je l'ai protégé jusqu'à la fin. Quand son supérieur Hans Frank a été pendu à Nuremberg, Wächter est parvenu à vivre à Rome pendant plusieurs mois sous un faux nom, en grande partie grâce à l'aide charitable de moines italiens, jusqu'à ce qu'il soit empoisonné. Otto empoisonné. Coup de théâtre. Voilà ce que découvre Charlotte Wächter en se plongeant, en 1976, dans les mémoires d'Alois Houdal. Pendant 35 ans, Charlotte Wächter a été hantée par l'image du corps de son mari Otto, qu'elle avait découvert à la morgue avec Houdal, justement. Otto était gris anthracite. Ses chairs semblaient carbonisées. Pourquoi ? Elle avait bien évidemment pensé au poison. Mais c'est seulement plus de 30 ans après, enfin, qu'elle a pu être confortée dans son intuition. Si Alois Houdal défendait la thèse d'un empoisonnement, alors c'était sûrement vrai. À cette époque, il était au cœur de tous les réseaux religieux et diplomatiques. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Pendant que Otto était à l'agonie à l'hôpital di Santo Spirito, un homme lui rendait visite tous les jours. Cet homme, Monseigneur Houdal, l'avait d'ailleurs aidé à se faire admettre dans cet établissement qui avait toujours entretenu des liens étroits avec le Vatican. Houdal avait donné l'extrême onction à Otto et quand tout avait été fini, il était allé chercher sa veuve, Charlotte, à la gare centrale de Rome. Il avait accompagné à la morgue. Mais, pour autant que je sache, Houdal n'a jamais évoqué avec Charlotte ce que Otto lui avait confié sur son lit de mort, qu'il avait été empoisonné. Mais comment Otto avait-il rencontré Houdal ? Hier matin, je suis allé voir ce prêtre qui m'avait écrit une lettre charmante. Au début, il était assez réservé. Mais dès qu'il a su qui j'étais, il s'est montré plus chaleureux. Il avait entendu parler de moi et connaissait bien mon cas. Il veut m'aider, notamment sur ce qui est, pour le moment, le plus problématique. Vous imaginez un évêque accueillant à bras ouverts un ancien nazi. Otto Wächter n'était d'ailleurs ni le premier ni le dernier criminel en fuite à bénéficier de cet accueil. Ah, the door is open. Bonjour. We have an appointment with Dr. X. Nous nous rendons, Horst et moi, au collège teutonique de Santa Maria dell'Anima, Sainte Marie de l'âme. La porte s'ouvre. Nous avons rendez-vous avec Monsieur X aux archives. Archivo. Yeah. Okay. Grazie. Thank you. Nous le voyons arriver à petits pas. Bonjour, Monsieur X. Bonjour. Enchanté. On va monter. Merci de nous recevoir. Johann X est belge. C'est un homme à la fois pétillant et sérieux, qui vit à Rome depuis 30 ans. Il n'est pas prêtre, mais il vit entouré de prêtres. Il a étudié à la faculté de théologie de l'université pontificale de Rome, la grégorienne. À ce moment-là, Johann X est l'archiviste du collège teutonique de Santa Maria dell'Anima, qui est le cœur du catholicisme germanique à Rome. C'est à la fois un hospice médiéval, un collège pour docteurs en théologie et une église pour la communauté allemande. Alois Hudal en fut le recteur. C'est là que Johann X nous a donné rendez-vous. Il passe ses journées au milieu des archives. Son métier, c'est de mettre de l'ordre dans le passé. Il aime l'église, mais il aime aussi la transparence. Johann X va ensuite contribuer à l'inventaire des 2 millions de documents liés au pontificat du pape le plus controversé de l'histoire, élu en 1939, Pie XII. Il va aussi publier un livre qui tente de le réhabiliter, L'Uburo, les Juifs de Pie XII. Nous arrivons à Anima, que tout le monde appelle le collège, par la Piazza Navona, l'une des merveilles du baroque romain. La porte en bois est imposante, intimidante, magnifique. Nous passons à côté d'une religieuse qui nous lance un regard, j'allais dire inquisiteur. Nous traversons une cour, puis montons un escalier. Enfin, nous voici dans un long couloir mal éclairé, au mur duquel sont accrochés les portraits de tous les anciens prêtres ayant dirigé cette institution. Je demande à Johann X quels sont ses recteurs préférés. Eh bien, Fleer était un homme bien. Je l'aime beaucoup parce qu'il a aussi publié des livres et de la correspondance. C'était un homme cultivé. Ils l'étaient tous, cela dit. Alois Hudal également. Son rectorat était très dynamique. C'était un homme au talent varié. Un homme au talent varié. Ah, c'est une façon de présenter les choses. Alois Hudal est connu pour avoir caché des hommes qui étaient recherchés pendant et après la guerre. Et avant la guerre. Quand je dis à Johann X que Alois Hudal est passé à la postérité comme l'homme qui a couvert et organisé la cavale de nombreux criminels, voici comment il réagit. Vous dites nombreux, mais combien exactement? Eh bien, parmi les noms que je connais, outre Wächter, il y a Stangl, qui dirigeait le camp de Treblinka au moment où mon arrière-grand-mère y a été gazée. Franz Stangl, reconnu responsable du meurtre de 900 000 personnes, a longtemps échappé à la justice. Il vivait tranquillement à São Paulo, au Brésil, sous son vrai nom. Le jour, il était contremaître à l'usine Volkswagen. Le soir, il rentrait à la maison, retrouvait sa femme et ses 3 filles. Ça a duré 15 ans. Et puis un beau jour de 1967, il a finalement été arrêté, extradé vers l'Allemagne, jugé et condamné à la perpétuité. Les entretiens qu'il a donnés du fond de sa prison de Düsseldorf forment un récit glaçant. Erich Priebke. Erich Priebke, lui, a vécu 50 ans en Patagonie, avant d'être retrouvé par une équipe de journalistes américains qui travaillaient pour ABC News. Il est mort récemment à l'âge de 100 ans, de mort naturelle, à Rome. Le Vatican a interdit, ce qui est tout à fait exceptionnel, qu'une messe d'enterrement soit célébrée. Pas de sacrement pour l'un des derniers criminels nazis. Mais revenons à la période qui nous occupe. Et même un peu avant, au moment de l'accession de Hitler au pouvoir. Après 1933, Himmler va encourager les SS à abjurer leur foi chrétienne. Il faut embrasser la Gottglaubigkeit, la croyance néo-païenne en une force divine. 1933, c'est aussi l'année où le père Oudal se fait ordonner évêque par un cardinal qui n'est autre que le futur Pie XII. L'Église catholique est alors très divisée au sujet du nazisme. Et quand Mgr Oudal publie, en 1937, son essai « Les fondements du national-socialisme », qui tente de réaliser la synthèse entre christianisme et nazisme, le Vatican condamne le livre. Cette même année 1937, le Vatican publie une encyclique qui met en garde contre le paganisme, l'antisémitisme, la négation de la dignité humaine. Son titre, Mit brennende Sorge, avec une brûlante inquiétude. Évidemment, la brûlante inquiétude du Vatican est balayée par l'histoire, par la déferlante nazie et par la politique d'extermination des Juifs d'Europe. Face à Hitler, la diplomatie de la neutralité voulue par Pie XII résonne comme un silence assourdissant. Et après la guerre, je pose la question à Gerald Steinacher, un historien qui enseigne à l'Université du Nebraska aux États-Unis. Il est l'auteur d'un livre qui fait autorité sur les filières d'exfiltration nazie, traduit en français sous un titre que je trouve très efficace. Les nazis en fuite, Croix-Rouge, Vatican, CIA. Le livre de Steinacher est une sorte de who's who des nazis en cavale. L'idée que l'Italie catholique et la ville de Rome puissent devenir communistes était un cauchemar absolu pour le Vatican et la hiérarchie catholique. Or, c'était une perspective tout à fait réaliste, parce qu'en Italie à l'époque, le Parti communiste était très puissant. C'est pour cette raison que l'Église catholique était violemment opposée à la dénazification en Autriche, en Allemagne et en Italie, car elle pensait que ça affaiblirait l'opposition aux communistes et ferait leur jeu. Gerald Steinacher est autrichien. Avant de s'installer aux États-Unis, il a soutenu sa thèse à Innsbruck, qu'on appelle parfois la jumelle alpine de Grenoble. Innsbruck est la capitale du Tyrol autrichien. C'est dans ces vallées et ces montagnes que de très nombreux fuyards nazis, dont Otto, avaient trouvé refuge après la guerre. J'ai grandi à Innsbruck, et l'immeuble où ma famille habitait était tout près d'un ancien camp de concentration. Quand j'étais petit, je posais des questions aux grands, à mes parents. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? J'entendais des histoires sur tous ces gens qui avaient été tués, mais dans les années 70, les adultes n'étaient pas disposés à parler. Et j'ai compris que je devrais trouver les réponses tout seul. Gerald Steinacher a enquêté sur les filières d'exfiltration de nazis, mais il a aussi déconstruit les mythes, les rumeurs, les clichés qui les ont alimentés. Et notamment cette image, qui paraît aujourd'hui un peu folle, des juifs qui persécutent les nazis après la guerre. Comment, de bourreaux, les nazis ont-ils bien pu devenir victimes? Je demande à Gérald comment cette idée s'est développée, surtout dans les milieux catholiques. Pour certains catholiques, c'était une sorte de vengeance. D'ailleurs, dans ses mémoires, Mgr Oudal, à Rome, se vante d'aider les responsables de la Shoah et les nazis à échapper à la justice des Alliés. Pour beaucoup, les ex-nazis étaient persécutés. Ils étaient victimes de la vengeance des juifs et des communistes. Les prêtres, les membres du clergé partageaient l'opinion de beaucoup d'Allemands. Cette vengeance hors des tribunaux, c'était la justice des vainqueurs. Justice des vainqueurs, vae victis. C'est l'expression qu'avait employée Otto Werchter quand il avait appris que ses bons amis et collègues Hans Frank et Arthur Seyss-Inquart, le parrain de Horst, avaient été pendus. C'est Bucco, son compagnon de cavale, le jeune soldat SS, qui me l'avait raconté. Des millions de nazis avaient abandonné le catholicisme. Pour l'Église, il fallait faire revenir ces millions de gens nazis et fascistes dans son giron. Et effectivement, des mesures radicales ont été prises dans le but de faire revenir ces anciens sympathisants du national-socialisme vers l'Église. Horst affirme que son père a toujours été un bon chrétien. Mais dans les dossiers de la SS que j'ai consultés aux archives à Berlin, j'ai vu un acte d'apostasie, signé par Otto. Il renonce à tout engagement envers l'Église catholique romaine et jure obéissance à la volonté du Führer. Il devient Gottgläubig. En échange, l'Église était disposée à pardonner à ces millions de nazis leur collaboration avec un régime totalitaire et criminel. Et personne n'y était davantage disposé que Alois Houdal, évêque farouchement anticommuniste et viscéralement antisémite. On ferme la porte? Oui, c'est mieux. Houdal l'a dit, il a écrit. J'ai toujours aidé tous ceux qui me le demandaient, indépendamment de leur appartenance politique et de leurs convictions. Parce que je suis prêtre et que je dois aider tout le monde. C'est mon devoir. Tout le monde? Vraiment? Je demande à Gerald Steinacher s'il a trouvé des éléments qui démontrerait que Houdal a aussi aidé les victimes des nazis, des victimes juives par exemple. Je n'ai rien trouvé qui le prouve. L'archiviste du Vatican, Johann X, voit les choses différemment. The thing is that these people are part of the thousands of people that came. Des milliers de gens arrivaient à Rome. Et Houdal fournissait un passeport à quiconque voulait s'enfuir. Vous avez dit qu'ils étaient nombreux, mais donnez-moi un chiffre. 5 personnes, 10, 15, 20, 100, 200. Tous n'étaient pas des criminels. Ceci ne représentait qu'un pour cent, voire moins d'un pour cent de tous ces gens. La plupart étaient des gens ordinaires, emportés par le tourbillon de l'histoire, et qui essayaient de refaire leur vie. Oui. On peut dire que Mgr Houdal faisait exactement ce que tout chrétien est supposé faire, aider son prochain. Mais on peut aussi considérer qu'en aidant des criminels de guerre, il entravait l'exercice de la justice. Donc la question c'est vraiment, Houdal savait-il qui il aidait? Pourquoi a-t-il fait ce choix? Pour certains d'entre eux, on sait qu'il ignorait leur identité. Il l'ignorait parce qu'il se présentait à lui sous un faux nom. Certains d'entre eux. Mais il connaissait Otto Wächter. Rappelez-vous la lettre d'Otto à Charlotte. Il avait entendu parler de moi et connaissait bien mon cas. Il savait parfaitement qui était Erich Priebke. Évidemment, il ne leur demandait jamais ce qu'ils avaient fait. Je me dis que, entre apporter un soutien spirituel à des assassins qui demandent à ce que leurs péchés soient pardonnés et les aider à fuir la justice des hommes, il y a quand même une différence, non? Admettons que Houdal faisait son devoir de prêtre. Qu'est-ce qui nous dit qu'Otto était dans une quelconque démarche de repentance? Parmi les milliers de pages écrites de la main de son père, que Horst m'a laissé consulter, je n'ai jamais vu l'ombre d'un remords, d'un regret, d'une demande de pardon. Et quand j'ai demandé à Bucco si, pendant les 3 ans qu'ils avaient passés ensemble, cachés dans la montagne, Otto avait prié, sa réponse, vous vous en souvenez peut-être, avait été catégorique. Non. Quelle salle magnifique, c'est splendide. C'est ce qu'on appelle l'aile médiévale. On voit tout de suite que c'est un des bâtiments les plus anciens de l'Anima. C'est sa bibliothèque personnelle. Oui, c'était sa collection privée. Alors ça, c'est une partie des papiers de Mgr Houdal. Il y a les lettres qu'il avait écrites et reçues, des fausses cartes d'identité. Oui, de gens qu'il avait aidés. Cette lettre-là vient de Nuremberg. Ah, la voilà. On était en train de l'étudier. Elle a été écrite par... Ma mère. Écrite par ta mère à Mgr Houdal. Une lettre écrite en 1949 par Charlotte Wächter à Alois Houdal, juste après la mort d'Otto. Horst voit cette lettre pour la première fois et ça le touche. Je sens son émotion. Moi-même, je suis ému. Autour de nous, des centaines d'ouvrages dont les pages ont été noircies par des moines copistes, des panneaux de bois centenaires et cette ambiance pontificale totalement hors du temps. Un pape est même enterré un peu plus loin. J'ai l'impression d'être dans le film Au nom de la rose. Que dit la lettre ? Elle est datée du 19 juillet. Oui, en souvenir des derniers jours. Le 19 juillet, oui. Tu veux nous lire la traduction, Horst ? En souvenir des derniers jours à Rome, je crois sur la première ligne, Monseigneur, je souhaiterais vous remercier de tout mon cœur. Je ne peux pas la lire. Tu ne peux pas ? Non, je ne peux pas. J'essaierai une autre fois. Tu n'es pas obligé de la lire, Horst. Tu n'es pas obligé. Monseigneur, je souhaiterais avant tout vous remercier de tout mon cœur pour ces derniers jours à Rome. Merci pour l'amour chrétien, sincère et honnête, dont vous avez fait preuve à mon égard. Ça m'a aidé à surmonter la douleur indicible causée par cette disparition soudaine. Monseigneur, vous étiez auprès de lui dans ses derniers moments et vous m'avez aidé à supporter sa mort. Il me semble que mon âme est une cloche fêlée, que le battant a été perdu et qu'elle ne sonnera plus jamais. Il m'accompagnera et me guidera comme il l'a toujours fait. Parce que nous ne formions qu'un tout. Ma seule mission, désormais, sera d'élever les enfants dans le respect de son esprit et avec l'aide de Dieu, d'en faire de bons et honorable individu. Dire adieu à sa sterbliche Hülle, à son enveloppe mortelle. Du fond du cœur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous dans ces moments éprouvants de notre vie. Avec ma gratitude. Avec ma gratitude, Lotte Wächter. Il faut aussi comprendre comment et pourquoi tout cela a pu se passer ici. La première question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que Houdal et d'autres en Italie aient pu agir ainsi après la guerre ? Personne ne les en a empêchés. Quelqu'un y avait-il même pensé ? Comment expliquer qu'en plein cœur de Rome, Houdal ait permis que ces gens viennent frapper à sa porte, alors qu'il était sous surveillance? On sait que les Américains l'avaient à l'œil, de même que les Britanniques. Alois Houdal sous surveillance, ou plutôt agent secret? James Everest, l'étudiant en thèse, futur historien qui travaille avec nous, a passé des mois à éplucher les dossiers déclassifiés de la Counter-Intelligence Corps et d'autres services de renseignement américains. Il a découvert un élément qui pourrait étayer cette hypothèse. Oui, il existait bien un réseau d'espions dirigé par les Américains, un réseau qui recrutait d'anciens nazis, des prêtres et des fascistes. Leur cible, les communistes. L'opération avait été baptisée « Projet Los Angeles ». À la page 1 du rapport déclassifié, on lit « Le projet Los Angeles a été activé le 20 décembre 1947. Afin de recueillir des informations, l'informateur principal utilise les services d'anciens officiers de renseignement, de fonctionnaires du Vatican et de membres du mouvement néofasciste clandestin Groupe d'Action Révolutionnaire. L'informateur principal est basé à Rome. Et plus bas est mentionné le nom d'une autre source importante. Monseigneur Oudal. Monseigneur Oudal, ce proche parmi les proches de Pie XII, n'est pas seulement le pivot au cœur du Vatican d'une filière d'exfiltration des nazis vers l'Amérique latine, mais aussi un informateur pour les services secrets américains. Alois Oudal, évêque, nazi, espion. Mais pour qui roulait-il vraiment? Dans le prochain épisode de La Filière, nous ferons la connaissance de Carlo 006, un homme au passé sulfureux qui avait réussi à infiltrer le Vatican. Nous allons découvrir que les ennemis jurés deviennent parfois des alliés de circonstance et que Rome, après la guerre, était non plus une ville ouverte, mais un nid d'espions. C'était La Filière, une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter, voix française, Emmanuel Ménard. Gerald Steinacher à Lincoln au Nebraska. Voix française, Renaud Bertin. Johan X à Rome. Voix française, Vincent Rouquès. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.